L'association d'amitié Bulgarie-Corée a fait paraître le bulletin de juillet sous le titre comme 22e anniversaire du décès du grand leader en l'honneur de la vie révolutionnaire sacrée et les exploits immortels du président Kim Il-sung. Le bulletin a présenté également un écrit pour soutenir entièrement la cause du peuple coréen pour la réunification de la patrie.